L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Au jardin du Troqueur à Bardos, on jardine, on troque, on échange et on partage, et surtout des bons moments autour du jardin et de ses légumes. Et on cuisine, et puis surtout, on savoure ce qu'on a fait pousser ensemble. Bon Manu, tu peux... Ouais, vous essayez de reconnaître les petites plantounettes ? Ouais. Vous mettez la paille autour. Bonne chance ! Alors là, c'est plein d'activités aujourd'hui au Troqueur. Il y a quelques jours que nous avons vu arriver le printemps. Les oiseaux qui chantent, les jours qui rallongent. Et là, les jardiniers sont contents. Et c'est le bon moment là pour arranger un petit peu le jardin, enlever les herbes indésirables. Déjà repiquer quelques tomates. Et donc dès que le soleil est là, avec les personnes qui viennent au jardin, ben, on vient ici bon, pour un moment d'évasion, un moment pour apprendre par rapport aux plantes potagères. Deux bénévoles qui arrivent là. Voilà. Donc je vous présente Laurent. Hey, one again to best to fly. Bonjour. Bon, on vient se chercher. On nous a dit qu'il y avait des tomates à planter ici. Alors on vient se chercher des tomates à planter. Mais non, Manu est venu vous les chercher. Oh, alors on va repartir. Pour rien. On va repartir. Janine, qu'est-ce qui te plaît au jardin du Troqueur ? La cuisine, le potager à semer les plantes, et puis après les manger. J'ai bien aimé faire les repiquages de petites graines, là, ce piment ou tomate, ou je ne sais pas ce que c'était, dans les petits godets. Et les glaïeuls et les narcisses. Ah oui, et il n'y en a pas un que j'ai vu. Mais attends, laisse-leur le temps de sortir. Et c'était plus comme ça déjà, alors. Non, mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, t'inquiète pas. Et sinon, tu te souviens la ratatouille avec les tomates multicolores? Oui. La soupe. Et la soupe. La soupe à la citrouille. Oui. Voilà. Vous mettez tout en dedans. Tout. Et après, vous cuisinez. Eh bien, on le bouffe. On le cuisine et après. Voilà. Tous ensemble avec elle. Et au jardin du Troqueur, oui, on veut découvrir des plantes potagères d'hiver. Et donc, c'est vrai qu'on a eu des salades tout l'hiver. On a fait du chou chinois. Là, ce qu'il y a, au mois d'octobre, tu aurais dû te planter l'ail d'hiver, les salades d'hiver, l'oignon. Parce qu'il y a l'oignon d'été, l'oignon d'hiver. Alors, j'ai dû en planter. Et puis, alors, on refait une bonne omelette à l'oignon. Et là, il y a toujours l'ailé à accueillir maintenant. Oui, maintenant. D'ailleurs, Laurent, si tu y es pour l'atelier cuisine du mercredi au GEM, vous devriez aller vous chercher donc, de l'ailé, du persil, je vais m'importer. Des poireaux, oui. Du chou chinois. Il y a des salades dans la serre. Vous vous préparez un bon panier pour l'atelier cuisine du GEM. Moi, je me rappelle l'année dernière, ce qu'on avait fait qui était très bon, c'était la soupe d'ortie. Oui, voilà. Et ça, c'était... Mais c'est la première fois que je goûtais ça. Et bien, j'ai trouvé délicieux. C'est tout simple. C'est de l'eau, des pommes de terre, de l'ortie. L'ortie à faire revenir avec un petit peu de beurre. Ensuite, noyer avec de l'eau, les pommes de terre revenues, tout ça mixé, un pet de sel et de poivre. Et une petite touche de crème. Moi, j'aurais mis crème. Même du râpé, si j'avais été à toi, j'aurais mis une bonne couche de râpé, là. Mais non, tu peux pas, parce que c'est quand tu aurais plongé ta soupe, tous ces crampis, c'était pour mettre au pantalon. Mais ça, il faut pas confondre avec la soupe à l'oignon. Juste une pointe de crème, juste pour l'onctuosité, et là, c'est du velours. C'est divin. Ouais. Et ça venait du jardin d'Aïma. Et tout avait été pris là, dans le jardin. Et franchement, c'était génial. Moi, j'avais jamais goûté. Soupe d'ortie, j'avais entendu parler, mais jamais goûté. Et quand j'ai goûté, j'ai dit waouh. Parce que des orties. Tout le monde en a chez soi. Oui. Et franchement, faire une soupe, c'est à la portée de tout le monde. Oui. Mais bon, tu prends des gants, voilà, pour pas te faire piquer, parce que c'est une plante qui est urticante. Oui. Donc fatalement, voilà, tu prends des gants. Mais dès que tu la mets dans l'eau, que tu la fais revenir, à partir de là, tranquille. Voilà, il y a rien. Et même sur la langue, après, parce que moi, c'était ça mon appréhension. Puisqu'elle est urticante quand elle est dans la nature, donc elle va me piquer la langue. Oui. Or non, comme elle a été cuite, c'est comme de la salade cuite. Et là, moi, je pense à une chose. Je pense aux tomates. Tu te souviens, Laurent, Janine, ce qu'on avait dans la serre ? Il y a un truc que je me rappelle, le repas qu'on avait fait dehors. Ouais. Le festival de tomates. On avait pris tout un assortiment de tomates. Il y en avait des jaunes, des rouges, des verts, des rouges, des violettes. Des qui étaient grenats. Tu les coupes, tu les goûtes. Déjà, elles, c'était du sucre. Oui. Tu les mélanges et tout dans un saladier. On était quoi ? Une vingtaine ? On s'est régalé. Oui. C'était à tomber. Bon, on y va. On y va. On Allez. Va planter nos affaires. Allez, on va planter nos yucca. Voilà, en fait, avec toutes les plantes du jardin, c'est vrai qu'on a découvert ensemble le pourpier. Donc le pourpier qui est une plante grasse, elle fait partie donc du régime crétois. Et il paraît que là-bas, en Crète, les personnes meurent centenaires. Donc comme il y en avait au jardin potager, quand on était avec le groupe du GEM, on avait décidé de faire comme les crétois. On en a rajouté avec nos tomates multicolores et puis c'est vrai que c'était un régal. Et ce qui est bien avec le jardin, c'est que ensemble, on découvre différentes plantes. C'est à la fois pédagogique, ludique. C'est vraiment des moments agréables. Et puis, comme nous plantons ensemble toute une diversité de fleurs, donc grâce à ces fleurs, on peut faire des bouquets. Ces bouquets, on peut les offrir. Une fois que les plantes ont séché avec les débris secs, on peut faire ce qu'on appelle du land art, c'est-à-dire qu'on utilise donc des fleurs et ces débris secs sont très jolis, ont des jolies formes. Par exemple, il y a la cosse du pavot, il y a les coréopsis. Toutes ces matières-là, toutes ces matières premières nous permettent donc de faire des ateliers ensemble. Et les idées viennent en fait au fur et à mesure que nous gravitons tous au jardin. Ensuite, nous faisons et puis c'est vrai que le travail est énorme. Par exemple, là, pour toutes les tomates que nous voulons mettre dans la serre, nous voulons mettre 60 variétés différentes. Nous l'avons déjà fait. Là, le souci, c'est qu'il va falloir que nous trouvions le temps de couper les bambous, de les planter. Et donc, les tomates sont déjà là. Donc, pour plus de sécurité, nous les avons semées en double, en triple. Parce que comme nous travaillons aussi avec l'école de Bardos et que 27 élèves, CE2, CM1, CM2, ont chacun leur variété à sauvegarder. Donc si jamais il y a un petit souci que leurs semis n'ont pas bien fonctionné, nous avons donc des petites plantes de secours. Comme ça, on va avoir peut-être la chance d'arriver au bout de ces ateliers. Parce qu'à l'école, on a fait donc les semis. Ensuite, il y aura la plantation. Ensuite, la récolte de tomates, le recueil de semences, mais aussi avec les tomates multicolores, on aimerait bien faire des fresques, avec aussi du végétal, enfin, faire de l'art ensemble. Enfin, tout ce qui est dans le jardin nous permet de rêver, de créer, et puis de partager des moments ensemble. Parce que souvent, beaucoup de personnes qui viennent au jardin du Troqueur, c'est parfois la seule journée où ils quittent leur domicile. Et pour les personnes âgées aussi qui sont à la maison de retraite, c'est un lien avec la terre, c'est un lien avec une personne de l'extérieur qui vient leur parler de fleurs, de plantes potagères. Et le fait de voir pousser, de voir les tomates, de voir les plantes potagères, ça donne envie de manger. On a aussi envie, avec la maison de retraite, de faire ce qu'on appelle la cuisine thérapeutique, c'est-à-dire donc préparer les légumes qu'ils ont semés. Et donc voilà, du début à la fin, du semis jusqu'à la récolte, et puis manger ensemble. C'est-à-dire que voilà, tout est possible. On a cette espèce de liberté qui est formidable. Et le moteur de tout ça, ce sont les personnes qui viennent au jardin, parce que sans elles, il y aurait un jardinier tout seul qui ferait tout ça pour qui, pourquoi. Et là, celui qui est là, qui travaille, toutes ces personnes bénévoles qui s'investissent dans ce potager, elles ont l'envie justement que leur travail permette de faire plaisir aux autres. Et quelque part, ben, le paradis est un jardin. Pourquoi pas faire de ce jardin un paradis ? Et voilà, c'est tout simple, mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup de rêves. Mais on se rend compte que, bien souvent, le rêve peut devenir réalité. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au jardin du Troqueur. Voilà, Johan. C'était pour te demander un truc. Vas-y. C'est que moi, j'ai une plante de mauvaises herbes à enlever. Ouais. Et en faisant le truc, ça peut enlever la racine d'une plante. Non, mais c'est pas grave. Si tu, une fois que tu prends la griffe rotative et que tu tournes, ton herbe, elle est sortie et ouais. Tu la secoues. Et là, tu... Parce qu'en même temps, ça tire la plante. Ça veut la retirer. Ah, c'est-à-dire qu'il y a une plante à côté que tu voulais garder qui a été déracinée ? Sinon, j'ai laissé la mauvaise herbe avec. C'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux qu'il y ait une mauvaise herbe que rien du tout. Ouais. Parce que quand ta terre elle est à nu, c'est là que ta terre elle s'abîme par la pluie et le soleil. Donc il faut qu'elle soit protégée. Et c'est vrai qu'on n'a pas mis assez de paillage sur ton carré. Ouais. Donc il faudrait que tu te prennes un petit peu de paille et que tu te mettes de la paille autour de tes boutures. Tes boutures, elles ont fonctionné, hein. À côté de n'importe quelle plante, il faut tout de suite mettre de la paille parce que souvent, il ne faut pas y confondre avec les mauvaises herbes. Oui, mais bon, avec le temps, tu verras, tu reconnaîtras tout de suite les... que tu avais trouvé qui était bonne à garder ou quoi ? On avait mis du rubéquia. Ouais, ouais. Tu te souviens le chou, comment il s'appelle ? Non. Le chou d'Aubenton. Ah bon ? On va s'occuper de ton carré parce que comme ça la prochaine fois tu seras content quand tu le retrouveras. Ouais. Sinon il sera encore plus envahi d'herbe. Ouais. C'est ça le problème. Oh, dès que vous sortez, ça va nous faire arrêter la pluie. Hein. C'est tellement pas jardin que j'arrive pas à dissocier les petites plantes. C'est pas grave. C'est que du coup on t'a amené tout le monde. Je disperserai comme il faut. C'est qu'on ne veut pas les étouffer en fait. C'est comme, Oui, oui, oui. Bon, vous avez bien. Vu qu'on avait déjà étouffé des salades, on va pas étouffer. Quand vous avez étouffé des salades. Toutes les pailles, c'est pour protéger, non ? Voilà, ben là, le tour du cœur, ça va nous permettre... on avait fait de la jachère fleurie, mais on a du mal à gérer après. Il y a l'herbe qui se méandre, et puis bon... Il y a un cœur par terre, en fait, qui est dessiné, voilà. C'est ça ? Voilà, ici, vous avez... donc le potager en forme de cœur, un peu. Jardin voilà. Potager avec plein de fleurs. Donc là, on veut encore, cette année, privilégier la diversité, comme... on a fait l'an dernier, par contre peut-être un petit peu mieux maîtrisé. Alors c'est difficile de maîtriser avec un jardinier comme moi, parce que plus il y en a, plus il y a des petites bêtes, plus il y a des refuges pour les insectes, plus il y a de fleurs, pour moi mieux c'est. Mais voilà, mes goûts sont comme ceci, mais il y a aussi les autres personnes qui gravitent au jardin. Si ça fait un petit peu trop fouillis, ça ne va pas plaire et donc pour elle, il faut aussi donc tenir compte des avis de chacun. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous fonctionnons. Nous décidons ensemble, voilà, à tel endroit, nous allons mettre les plantes des métiers. À un autre endroit, nous allons mettre les plantes qui deviennent rares, comme la cardère des foulons. Et là, on espère cette année qu'elle poussera dans le jardin avec l'agnel des blés, qui elle aussi se raréfie. On a aussi le souci des vignes qui lui a très bien pris, qui lui aussi est une plante de plus en plus rare que l'on voyait à côté des vignobles. Mais bon, avec les pesticides, cette plante à petit, pas quasiment disparu, mais devient de plus en plus rare. Donc c'est vrai, le fait de s'intéresser à des plantes que l'on voit de moins en moins souvent. C'est aussi un souci de préserver ensemble, de donner une prise de conscience aux personnes qui viennent au jardin. Essayer de les informer sur justement ces plantes qui deviennent de plus en plus rares. Et donc voilà aussi ce côté du jardin qui nous permet d'apprendre ensemble. Voilà, on veut que le jardin soit riche de rencontres, de partages et puis d'informations intéressantes. Et voilà. On veut aussi, par rapport au jardinage au naturel, donc avec Monsieur Jean-Pierre Auffray, tous les bénévoles, bon, Laurent, et puis tous les autres bénévoles qui viennent nous aider le mardi au jardinage collectif. On veut développer vraiment le potager. Et dans ce potager, là, on va tester différentes associations. Par exemple, la carotte et le poireau. Le poireau éloigne la mouche de la carotte et la carotte éloigne la mouche du poireau. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Et donc, évidemment, la tomate avec l'œillet d'Inde, parce que l'œillet d'Inde est une plante répulsive. Les insectes volants sont dissuadés par l'odeur très forte. Et l'œillet d'Inde également détruit un ver nématode qui est responsable de la destruction des tomates. Donc l'œillet d'Inde empêche le ver d'atteindre nos tomates. Donc c'est une association intéressante. Ensuite, pour les pommes de terre, les associations intéressantes, c'est donc la pomme de terre proche de la ciboulette et du romarin. Donc quelques trucs et astuces, donc des recherches que nous prenons dans différents ouvrages et que nous testons. On va voir le petit carré. Alors, peut-être Johan, que je crois que tu as éliminé ton rubéquia. Ah mince. Alors, il est peut-être par là. Ouais. Bon, mais c'est pas grave. Et alors ça, j'ai dit que ça allait déraciner. Alors. Voilà, c'est ça, ouais. De mauvaises herbes. Comme là, ça allait presque déraciner la rose. L'herbe protège la terre et en même temps nourrit les vers de terre. Donc voilà, plutôt que de ne pas avoir d'herbe du tout, il vaut mieux en avoir. Mais c'est vrai qu'il faut gérer parce que ça peut être très vite envahissant. Et voilà, le jardin quand même demande beaucoup de temps. Mais grâce au paillage quand même, le paillage est un bon moyen de lutter contre les plantes que l'on ne veut pas, contre les indésirables. Donc ça permet de garder l'humidité. Donc pour ça, c'est très intéressant, garder l'humidité. Et ça permet justement toute cette matière organique qui est sur la terre, et bien ça va nourrir les vers de terre, les insectes, qui vont dégrader ces matières. Et donc nourrir nos plantes. Les insectes vont fabriquer de l'humus. Donc voilà, c'est un des principes du jardinage au naturel. Garbi. Donc chaque mois, nous avons un nouvel atelier avec un sujet différent autour du jardinage au naturel et du compostage. Parce que le jardinage au naturel, c'est vraiment en lien direct avec le compost. Voilà, donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est une nouvelle façon de jardiner. C'est l'inspiration directe de la nature. C'est une question de bon sens. Si les personnes, les particuliers arrivent à faire un bon compost, et ben ça réduira la quantité de déchets dans nos poubelles. C'est économique, écologique pour tout le monde. Voilà, tout à fait. C'est une question de bon sens. Comme on faisait avant. Avant, on n'avait pas de décharge publique pour mettre nos déchets. Voilà, avant, mon grand-père avait ce qu'on appelle l'endroit, on appelait ça le fumier. Et le fumier, bon, bah, c'est un endroit où on déversait toutes les épluchures et ça prenait du temps, mais ça finissait par se transformer en terreau. Donc c'était vraiment très, très intéressant et c'était comme ça que faisaient nos anciens. Donc voilà, le jardinage au naturel s'inspire de tous ces gestes, tout ce bon sens qu'il y avait autrefois. Et donc voilà. Alors s'il y a des petits bâtons, c'est que... Pardon, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai pas la main verte du tout, moi. Alors du coup, je me dis, je vais faire mourir si je touche quelque chose ici. En tout cas, t'as le pied efficace. Ça marche. Par contre, c'est pas pratique, ça reste comme ça. Ou alors, je peux pas le couper. Oui, là, en fait, elle est un petit peu trop humide, la terre. Il y a des endroits, voilà. Selon le terreau. Ouais. Valérie met du terreau, en tout cas. Donc nous, on vient chercher surtout de l'échange, un autre lieu, parce que nous, on est dans un lieu fermé où on est. Nous, on est un groupe d'entraide mutuelle d'Asparin. On vient en groupe le vendredi être dans un lieu un peu neutre, dans un lieu solidaire aussi, des personnes qui sont en souffrance psychique. Et puis voilà, nous, on a un local fermé, donc on peut pas faire un jardin. Donc ils viennent trouver une bonne humeur, une bonne ambiance dans un lieu extérieur, pour s'aérer l'esprit et la tête, et puis du coup, prendre des petits conseils de jardin à l'occasion, et puis profiter des produits du jardin. Donc on apporte notre maigre contribution, mais on apporte de la bonne humeur dans le jardin. Et donc voilà, on vient une fois par semaine, le vendredi après-midi. Hein. On a beaucoup aidé à trimballer cet hiver tout ce qui était le broyat. On a fait une bonne partie, je pense la moitié du cœur à nous. Donc on était là très contents, c'est vrai qu'il y a des fois, bon on en fait moins. La dernière fois on avait mangé des crêpes, on n'avait pas beaucoup travaillé, donc on a dit bon, qu'il fallait quand même se mettre un peu à l'action. Après voilà, on vient surtout échanger, puis si on peut filer un coup de main tant mieux, quand il y a de la paille, quand il y a des choses comme ça. Après c'est vrai que des fois le jardin est très méthodique on va dire. Et du coup si on ne demande pas précisément, on a un peu peur d'abîmer le jardin, parce qu'on est plusieurs à se mettre dessus. Donc, de pas repasser. De pas faire de bêtises. C'est ça. Là, on a des parterres de fleurs et de légumes qui sont propres. Ils ont été récupérés des déchets de bois pour pouvoir effectivement évoluer au niveau du jardin en toute liberté et surtout propreté. Hein. Voilà. Mais on peut voir que les différents sites sont préparés de manière... étudié au départ avec des passionnés que sont Valérie et Jean-Pierre, qui sont vraiment des personnes de ressources par rapport à l'accueil de tout public, tel que notre association. Et nous, on vient de l'ITEP, des Évents de Rivaute, et il y a aussi Durte, une association. Et la troisième, je crois que c'est la maison de retraite ici de Bardos qui vient aussi également. Donc, si vous voulez, bon, le troc a aussi d'autres missions. Des missions, il y a dans les 650 adhérents au niveau du troqueur. Par rapport à des échanges. Les gens amènent des vêtements, ils font des échanges. Il y a aussi des trocs de plantes ou de légumes suivant différentes périodes de la saison. Ensuite, il y a aussi des missions humanitaires où nous faisons des déménagements de centres de vacances qui nous passent du matériel. Il faut alors les chercher, démonter, et nous avons à ce jour, je crois, 29 camions envoyés en Lettonie de manière solidaire. Bon, effectivement, pour pouvoir payer ces camions qui ont un coût de 3100 ou 3500 euros, il faut, on vend un dixième du matériel qui a été récupéré lors de ces déménagements pour pouvoir payer ces camions. Donc voilà, certains... c'est des ados du centre qui ont fabriqué ces maisons à insectes. Ils ont aussi posé les ardoises qui donnent un visuel vis-à-vis de ce qui va pousser là. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut évoluer dans ce jardin en toute... parce que ce concept de bois, c'est du bois qui a été... des branches qui ont été broyées et qui ont été posées là, même le sol, pour pouvoir évoluer dans le jardin de manière tout à fait naturelle, avec des produits... Thank you. Et donc, par rapport à la maison de retraite, je tenais à parler en leur nom parce que souvent, ils se dévalorisent lorsque j'arrive et qu'on va faire une activité ensemble. On a toujours l'impression au départ que c'est moi qui viens les occuper, alors que pas du tout. C'est eux qui me donnent envie de travailler au jardin, parce que eux, ils sont, leur main sert à semer, et moi je fais le geste de planter pour eux. Et par exemple, les tournesols l'année dernière, ben, c'était un peu des soleils partout dans le jardin, et ils avaient été étonnés que ces petites graines qu'ils avaient semées aient pu se transformer en si grandes fleurs. Et donc nous en avions semé 60. Et c'est vrai qu'il a fallu que je leur explique plusieurs fois, mais oui, ce sont bien les graines que vous avez semées. Et ce sont les plus grandes fleurs du jardin, ce sont les fleurs qui ont le plus dominé au jardin cette année-là. Ce sont les vôtres, c'est votre emblème. Et cette année encore, ben, nous allons encore semer les tournesols, parce que les tournesols, c'est vraiment un symbole pour le jardin. Et pour eux, c'est vrai que c'est une graine qui est assez grosse, et c'est un petit peu plus facile par rapport à leur vue de semer. Et donc voilà, je tenais à parler justement de ce sentiment au départ, de ce sentiment de se sentir inutile, ce sentiment de ne pas être acteur dans les activités, alors que c'est eux qui sont le véritable moteur. Et voilà, je voulais les remercier, parce que très souvent, par rapport au fait qu'ils se dévalorisent, je parle d'eux, et c'est vrai que quand ils ont réalisé, avec leur animatrice Virginie, ils ont réalisé un magnifique panneau. Donc un panneau avec les photos de leur travail, donc les photos de ces fameux tournesols, des tomates aussi, et de toutes les plantes que j'ai cueillies et qu'ils ont fait sécher. Et ce panneau est aussi un herbier, donc un herbier qui est aussi pédagogique, parce que ces fleurs séchées ont gardé leur couleur, et on a trouvé leur nom. Et donc les personnes ont inscrit le nom des fleurs en dessous de ces fleurs séchées. Et ce panneau a été en exposition, c'était samedi, et c'est vrai que beaucoup de personnes sont venues l'admirer. Ils sont venus aussi admirer les boîtes à semences et les pots réalisés en céramique. Et donc voilà, il faut que leur travail soit vu, parce qu'ils réalisent vraiment de très jolies choses. Et voilà, je voulais le souligner. Merci à l'équipe d'Aima, du Trocœur, à Valérie, Laurent, Janine, Johan, Manu, Marion, Martine, Bernard et les autres. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.